Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de, du BGS, numéro 10. 10. Et compterons là. Alléluia pour notre retour. Un retour enfin depuis le temps. Depuis le temps qu'on en parlait. On ça fait quand même. Oh oui, on revient 6, de très très plus, loin. Plus, hein. Ouais. 8. Non. Ouais. Ouais. Bref, ça fait quand même très très longtemps. Donc pour les gens qui ne nous ont jamais entendus, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière sur le site. Ouais, on va écouter un peu les anciens numéros. Pas trop, non. Numéro 1, 2, épargnez-vous quand même. Moi aussi. Alors, je suis en compagnie de l'équipe habituelle du BGS, donc les éternels, monsieur Julien Elias Stetson, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vu l'heure, oui. Bon matin. Oui, c'est selon. Et monsieur Lucas Elias Sechauve. Bonsoir. Qui mange des saucisses. Zwarm. Zwarm. Et moi-même, Nicolas Elias Kirby. Je ne sais plus si on avait dit dans le BGS qu'on s'appelait par nos petits surnoms, par nos noms... propre. Mais... On l'avait dit dans un télécom. Bref, on se. Voilà. Vous avez nos noms et nos surnoms comme ça. Ne vous étonnez pas si de temps en temps on mélange, on se trompe de nom, on dit un surnom au lieu d'un nom. Bon, alors le BGS quand même, rappelez un tout petit peu ce que c'est depuis le temps. Hein. Donc le BGS, c'est quoi? C'est notre premier podcast. C'est une idée de base très simple. Trois mecs. Ouais, mec, il y en a un, on n'est pas sûr. Ouais, voilà. Qui parle de sujets geek autour d'un micro Il y a quand même une petite structure derrière ça, évidemment, mais petite. C'est voilà, c'est un peu notre gros fourre-tout, où on parle de tout, de rien, de... On fait des jeux excellents. Voilà, on te parle de jeux, de musique, de films, de séries, peu importe, on fait des jeux, on fait des débats, donc voilà, c'est vraiment, vous êtes les bienvenus, vous nous écoutez, on déblatère et on s'amuse, et j'espère que vous amuserez avec nous. Et voilà, donc le principe c'est, on présente chacun une petite news. Donc c'est un truc récent qu'on a vu, lu, entendu et qui nous a plu, dont on a envie de parler assez rapidement, 5 petites minutes. Puis on passe au gros sujet. Le gros débat. Oh, le gros débat. Yeah, merde, un manque d'haleine. Le gros débat, qui cette fois-ci aura pour thème l'âge d'or des séries était terminé. Donc notre cher sériphile Julien Stetson aura de quoi discuter. De quoi débattre, et ensuite on embrayera avec un petit jeu pour se détendre. Hein, certes, oui. Présenté par notre ami Monsieur Chauve. Le maître en la matière. Par notre ami Lucas. Le roi du jeu. Je préfère que tu continues à m'appeler Chauve. Le roi du jeu, le spécialiste du jeu. Fait. Mais on peut te raser alors, monsieur. Merde. Et on terminera le tout par un défi. Donc le principe c'est que dans chaque télécom, on a à la fin un petit défi qui est lancé par l'un de nous, un autre, peu importe lequel. Et voilà, cette personne doit lire, écouter, regarder ce que l'autre lui a demandé de faire en défi. C'est dans le but de faire découvrir un peu un autre pan de la culture que cette personne n'a peut-être pas l'habitude de voir. Et voilà, si la personne a réussi à réussir le défi et a bien lu, vu ou regardé la série en question, peu importe, il a droit de reproposer à son tour un petit défi. Voilà, donc c'est un petit final assez fun. Ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, il me semble, non? Vous avez quelque chose à ajouter? Ben, notons que le dernier défi a été lancé il y a 8 mois, quoi. Oui, donc Stetson a eu le temps de le remplir. Oui, mais il a aussi eu le temps d'oublier un petit peu. Oui, aussi, oui. Voilà, monsieur. Ben, on verra bien, on verra comment on gérera ça pour notre retour en fanfare. Et j'espère que ça ne sera pas le dernier BGS avant aussi longtemps et qu'on retrouvera un rythme un peu plus régulier, au moins mensuel, ce serait pas mal. Bon, ben sur ce, je vous laisse ici. Nous allons passer maintenant aux petites news. À chacun son tour, et c'est parti. We'll be right back. Donc Nicolas va commencer par nous présenter sa news qui, je crois, parle de deux livres. De littérature. Littérature, c'est haut de gamme. Hein. Mais je me culture quand même. Tu te cultives. Culture. Culture, s'il te plaît. Excusez-moi, je finis ma saucisse. Donc de quoi vas-tu nous parler, Nicolas ? Alors, de deux livres que j'ai lus récemment. Scolaire, de quoi vas-tu nous parler, Nicolas ? Comme suite à ton influence, cher Vivir, on m'a offert une petite liseuse. Je me suis repris à lire beaucoup plus qu'avant, avec des simples livres. Ah ouais, c'est bizarre, hein, moi aussi, ça m'a fait ouais, ça me donne envie de lire, et je passe mes trajets en train à lire au lieu de sortir le PC de mon sac, même. Bref, j'ai lu deux livres qui m'ont assez surpris et agréablement pour les deux, donc je me suis dit que j'allais en parler. Le premier, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, c'est le livre sans nom. Oui, j'ai déjà entendu parler. T'as entendu parler ? Non. Ok. D'ailleurs, ça me rappelle que je m'y étais intéressé et que, voilà, j'ai oublié. Mais je vais pas te faire l'affront de la traduction en anglais, hein, Julien, tu te doutes un petit peu. C'est le même titre. Donc en fait, le principe, en fait, pourquoi on a entendu pas mal parler, ça fait un petit buzz dans les médias parce qu'en fait, l'auteur souhaite rester anonyme. Mm-hmm. Bon, ça, est-ce que c'est pour le côté buzz, le côté vente, ou est-ce que c'est quelque chose probablement. De réel ? On sait pas trop, mais bon. Bref, toujours est-il qu'on ne connaît pas l'auteur. Donc c'est un livre sans auteur connu, et alors, qui a pour titre Le Livre Sans Nom, donc, en mode double nuance, et Le Livre Sans Nom a un rapport avec l'histoire, donc un titre réel, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de nom d'auteur, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, toute une suite de coïncidences qui fait penser quand même un petit coup marketing. Hein. C'est ce dont ça avait l'air, en tout cas. Voilà, mais alors, justement, j'ai cru à ça au début, et puis je me suis dit, bon, on va lire, on va voir ce que ça donne. Ben bon, j'ai pas encore totalement terminé, je suis à la trois quarts du livre maintenant, mais franchement j'ai été agréablement surpris. Alors beaucoup de gens disent que l'auteur serait Quentin Tarantino. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ce qui pourrait ne pas m'étonner vu la façon dont le livre est fait. Parce que c'est un livre qui est un mélange de genres assez impressionnant, qui se situe dans plein d'époques. Avec des flashbacks, des flash-forward, Non, c'est pas ça. Je vais expliquer un peu, étayer un peu. Et surtout, il y a énormément de références à la culture geek et beaucoup au cinéma. Et Quentin Tarantino, on le sait, est quand même un féru de cinéma. Ouais. Et beaucoup de scènes ne sont pas sans rappeler certains de ses films, notamment Kill Bill, pour la fille qui sort du coma après un long moment et qui cherche à se venger. Enfin. Bref, donc, de quoi ça parle ? Là, c'est un peu plus compliqué à résumer, tellement il y a de personnages et de choses différentes. Ça se passe dans la ville de Santa Monica, qui est une ville un peu... fictive, je pense, de type western. Donc on est vraiment dès le début, on se sent dans un western, quoi. Il y a le bar, ça n'est pas nommé saloon, mais ça y ressemble. Le barman qui sert du whisky à des bandits puants et repoussants, qui, quand il y a un étranger qui déboule, le regard de travers viennent le provoquer, ils s'entretuent dans le bar, il y a des duels, il y a des... Donc, on se pense vraiment dans un western au départ. Le problème, c'est qu'après, tout d'un coup, ça commence à changer, parce qu'on nous parle de moines bouddhistes, je ne sais plus le nom de ces moines exactement, qui pratiquent des arts martiaux, et qui cherchent une pierre de lune légendaire. Des Shaolin. Donc, on dévie déjà totalement dans un autre style, pour après s'attarder, parce que, comme je vous dis, il y a plein de personnages, et à la fin, on finit d'avoir un chapitre par groupe de personnages, qui s'entrecroisent. Après, on enchaîne sur des policiers qui mènent une enquête sur différents assassinats qui ont eu lieu par certains légendaires Bourbon Kid. Donc, on est vraiment, déjà rien que comme ça sur les quelques premiers chapitres, on est trimballé d'un univers d'une espèce de Far West assez moderne avec une enquête policière, donc dans un roman qui semble policier, avec des arts martiaux et un côté mystique. Le tout dans une ambiance très moderne, parce que il y a énormément de références qui sont faites au cinéma. On parle de Star Wars, on parle de The Ring, on parle de Blade Runner, on parle de Total Recall, on parle vraiment d'une multitude de films assez récents. Donc on ne sait pas exactement où on se situe, on est un peu perplexe au début, et puis on se fait à cet univers un peu mélangé, un peu ambivalent. Tu viens de gagner une chemise. Tu as réussi à placer le mot magique. Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi, écoutez le dernier Télécom, numéro 18, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc en fait, pour essayer de résumer un minimum histoire, je suis obligé de vous sortir la fiche Wikipédia parce que au moins il y a quelque chose de construit, parce que le roman lui-même n'est pas totalement construit. Donc Santa Monica, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde, est connue des habitants pour être la ville la plus dangereuse. Tout commence avec la venue d'un étrange homme encapuchonné dans le tapioca, un bar local. L'étranger commande un bourbon et après une démonstration de l'hostilité locale, le boit. Et tout ce que l'on sait, c'est que les seuls survivants furent l'étranger et Sanchez, le patron du bar. Ça fait très Desperado. Ben voilà, ça commence déjà comme... Oui, effectivement, référence au film Desperado, ça, beaucoup de monde l'a dit. Loin de là, deux moines, Kyle et Peto, oui, je sais, c'est un peu... Ils reçoivent une mission, ils doivent se rendre à Santa Monica et aller chercher une pierre magique. Stetson, je vais t'appeler Peto, désormais. L'œil de la lune, censé apporter l'invulnérabilité à celui qui la porte. Donc ça, tu vois, on tourne déjà dans le peuple mystique. Autre part, une jeune femme, Jessica, se réveille dans une maison et elle apprend qu'elle sort d'un coma de 5 ans après avoir été la victime d'une tentative de meurtre. Donc là, ouais. Kill Bill. Tandis que l'inspecteur du paranormal, Miles Jensen, se rend à Santa Monica pour mener son enquête. Ça fait un fameux mélange de genre. Grand fan de Tarantino Rodriguez. C'est très... Oui, donc... Et quelqu'un d'autre, mais... Tu vois pourquoi beaucoup de gens ont pensé à Tarantino et... Donc voilà, c'est un mélange de genres assez spécial, mais je trouve que c'est tellement bien mené qu'on finit par y croire. Vu comme ça, dans ce que je viens de vous lire, on a l'impression d'un univers complètement farfelu, ouais, qui n'a plus une tête. Et on a l'impression qu'on a pris des éléments, qu'on a mis dans un shaker et qu'on a tout mis ensemble. Ben, je trouve que la façon de l'écrire et de vraiment s'attarder, c'est le genre de roman où on s'attarde vraiment sur des personnages. On a un chapitre qui va s'attarder sur les deux inspecteurs et leur enquête. Ils vont croiser tous les autres personnages du livre, mais ça va vraiment être le parti pris de ces personnages. Et puis on va arriver au chapitre suivant, et ça va être le parti pris d'autres personnages qui vont peut-être recroiser ces flics, mais qui vont être vraiment... Un peu comme écrit Martin pour Game of Thrones. Enfin, oui, voilà, voilà. Exactement. J'avais pensé à la même chose. Hein. C'est exactement ça. Et c'est vraiment... C'est ça, c'est tellement bien mené et tellement précis qu'à chaque chapitre, on a l'impression de se trouver un petit peu dans un univers différent, tout en étant dans quelque chose de connu, dans une histoire connue. Et moi, c'est ça qui m'a plu et qui fait que j'ai vraiment adhéré. Et puis, c'est tout ce mystère autour du livre et toutes ces références qui sont immanquables. Pour vous citer un exemple, le fameux livre sans nom, le titre du livre, donc, ça vient parce que dans leur enquête, Miles et... Archibald, notre flic. Son prénom, c'est Archibald. Archibald Somers. Ils se rendent compte qu'en fait, toutes les victimes du meurtre avaient un point commun. Elles ont emprunté à la bibliothèque de Santa Monica un même livre qui, dans la base d'origine de la bibliothèque, n'a pas de nom. Ah, d'accord. Donc, après la lecture de ce livre, après l'avoir rendu à la bibliothèque, ils se font assassiner ou ils meurent. C'est mystérieux. Donc, ça nous fait penser à quoi ? The Ring. Ouais. The Fils. Et alors, donc voilà, c'est tout. Et les deux flics d'ailleurs font des références au cinéma, mais tout le temps. Quoi. Ils se posent des questions du genre pour se tester. Ils se posent des questions du genre, je sais pas moi, Morgan Freeman ou Tom Cruise par exemple. Et en fonction de la réponse de l'autre, ils jaugent de sa personnalité, de son. C'est très. Ça a l'air marrant à lire. Ouais, ça a l'air sympathique. C'est ça, c'est vraiment marrant à lire. On passe un bon moment. Je trouve ça, cette lecture très agréable et très. Pas énormément de pages, d'après Wiki. Donc ça va. Non, il y en a dans la version que j'ai moi, il y a... Mais il y a 300 quelques pages, je crois. Je crois qu'ils disent 480, mais... Ah ouais, moi j'ai une autre version, parce qu'il y a 386. Ouais, mais sur ton... Non, parce que ma liseuse, elle met quand même les vraies pages. Les vraies pages, okay. À côté, en fait. Moi pas. Pas compliqué, les pages. Je penserais à me pencher dessus dès que j'aurais fini Game of Thrones. Il resize une page en... Je dis, je penserai à me pencher dessus dès que j'aurai fini Game of Thrones. Le premier ou bien tu Non, je suis au 9 là. Ah oui, mais. Moi je suis dans le premier toujours. Non, moi je suis au 9. Je comprends pas le rangement français de Song of Ice and Fire. Ah ouais. Parce qu'il y en a que. C'est pas. Non, c'est pas du tout la même chose. Il y en a que 5, donc. Si t'étais au 9, tu vois. Mais non, mais dans l'édition que je lis, édition poche, je ne sais même plus quel éditeur. Je suis au 9e, il y en a 12 pour le moment, et je pense qu'il doit y en avoir 14 en tout. 14 ou 15, un truc comme ça, je ne sais plus. Et d'ailleurs, pour ça je termine avec ça, pour te situer, la des toutes premières scènes du livre, justement, quand le Bourbon Kid arrive dans le bar encapuchonné et tue tout le monde, ouais. Tu retranscris les mots en images, tu as vraiment Desperados, mais ouais, j'imagine. C'est vraiment point par point, quoi. C'est le film point par point sur la première scène. Ouais. C'est vraiment arrangé pour ça. Et des références sont multiples et sont à dégoter partout. Donc, c'est vraiment un fan de cinéma. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent à Tarantino. Un fan même limite plagieur, quoi. Peut-être. Mais en même temps, les droits ont été vendus, il me semble. Donc, si c'était Tarantino, tu vois, peut-être qu'il garderait les droits. Ouais. Ouais, peut-être. Mais c'est une supposition de. Sur Internet. Il circule sur Internet, hein, c'est pas. De toute façon, je veux dire, moi, je m'en fous un petit peu. Je pense plus au coup marketing. Ouais. Mais ça ne l'empêche pas, je trouve, d'être bien écrit. Et alors. Bon, je vais quand même embrayer parce que, bon, sinon, les. Que se passe-t-il? Coup. Pourquoi? Je vois seulement que j'avais chier. Bah, je m'en fous, je vais. Allez, 2 minutes. Laisse-moi 2 minutes. Ouais, laisse-moi 2 minutes. Je ferai une coupure, cher public. Hein, mais... Non, je vais aller vite. C'est parce que je finis la news comme ça. Ouais. Le deuxième bouquin, c'est celui de Hugh Laurie, notre cher ami Dr. Ross. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, voilà. Oui, j'ai lu des trucs assez pop culture. Là, mais... Ouais, je vois ça. Qui me plaisent bien, franchement. Ça sort un peu de l'ordinaire. Et qui, franchement, pour le coup, beaucoup pensent à coup marketing, parce qu'on l'a remis en avant récemment, mais il est sorti bien avant qu'il ne lance sa carrière. Excusez-moi, ça va faire un bruit abominable. Bien avant qu'il lance sa carrière de Dr. Ross. Hein. Ah, c'était avant. Série. Je crois que c'était... Non, non, il a écrit ça avant. Ah, d'accord. On l'a ressorti depuis. Voilà, on l'a ressorti parce que, voilà, coup marketing Dr. Ross, mais ça a été écrit avant ça. Ah, d'accord. Et... je voulais le lire pour savoir s'il était aussi bon écrivain qu'il n'est comédien selon certains chanteurs. Et l'essai est concluant. Mm-hmm. Franchement, c'est une écriture aussi très... C'est léger. C'est léger, c'est une histoire qui n'est pas vraiment... c'est l'histoire d'un mec un peu loser qui fait quand même partie de la haute et qui essaye d'avoir un côté un peu jet set et un peu des contrats de... Ouais, même pas de tueur à gage, mais qui est un peu un magouilleur, on va dire. Voilà, c'est un petit magouilleur, un petit voyou sans trop de... Et qui se retrouve impliqué dans une beaucoup plus grosse affaire que ce qu'il a l'habitude. Et comme il est un peu égoïste, à la base, il en veut pas vraiment. Il pense juste à baiser la fille du gars qui lui parle de cette affaire-là. Enfin, c'est un peu... c'est vraiment le loser magouilleur type. Et on est vraiment un peu plongé dans sa tête avec ses réflexions. Un peu à 2 balles, et on voit qu'il se fout un peu du monde, et... Voilà, j'ai trouvé que c'était un style d'écriture très marrant et très agréable à lire. Ah, et ça a été écrit il y a 16 ans quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, je te dis, ça a été fait bien avant Dr. Ross. C'est juste que ça a été ressorti chez nous pour Donc, profiter de l'effet Dr. Ross. La traduction est, je trouve, pas mal, quoi. Parce que le titre anglais n'a vraiment rien à voir avec... C'est quoi? Ça, c'est toujours. Hein. The Gunseller. Ouais, par contre, sur le livre sans nom, la traduction est littérale, pour une fois. C'est vraiment Là, et ben, en même temps, c'était pas très difficile à traduire. Non. Quoi, The Book with No Name. Ouais. Exactement. rien de plus simple. Donc voilà, je recommande ces 2 lectures, amis lecteurs. Merci. Donc, sur ce, nous allons faire une petite coupure parce que Monsieur Chauve doit aller à propos. À propos. C'est bon? Okay. Donc après cette courte interruption de la faute de Lucas Chauve, c'est lui qui va nous parler d'une petite news sur les utilisateurs de smartphones. Tout à fait. Capitaliste. Tout à fait, c'était de son. Oui, mais juste une petite news en vitesse, lue sur un site de jeux vidéo généraliste. Ta gueule. Jeux vidéo.com. Oui, voilà. Non, je suis tombé dessus comme ça par hasard. Chance. sur deux. Pourquoi quand même plus des jeux vidéo. Il y en a un paquet, quoi. Ouais, mais en français, c'est quand même une sur deux, en gros. Bref, une petite news qui parle d'un site qui s'appelle Business Degree. Oh, quel accent. Qui a compilé quelques résultats d'études sur les utilisateurs de smartphones aux États-Unis. Et il en ressortait que l'utilisation principale que ces gens faisaient, c'était le jeu, premièrement. Et Angry Birds. Et que le lieu principal, c'est c'était... Le lit. Ah merde. Alors, c'était le lit 31%, les transports en commun 15%, devant la télé 12%, les toilettes 11%, en classe 8%, au bureau 6%, en voiture 5%, en avion 5%, en marchant 5%. Ben, j'aurais quand même dit les toilettes beaucoup plus. Non, moi pas, mais moi je suis pas du genre. Les toilettes, c'est quand même 11%, moi, numéro 4. Je joue beaucoup sur mon smartphone aux toilettes. Moi jamais. Je vais aux toilettes quand je vais aux toilettes, tu vois, je fais rien d'autre. Je fais autre chose, moi je lis, je joue. Ah ouais, moi je fais autre chose aussi. Mais vous me faites marrer, parce qu'il y a toujours des bouquins ou des magazines dans vos toilettes. Mais moi je lis, bien sûr. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu te branles pas aux toilettes. On dévie. On dévie, oui. Tu te bipes aux toilettes. Donc c'est une petite news qui m'a fait sourire. Au lit, ça me surprend pas du tout. Mais au lit ou devant la télé, j'avoue. Par contre, j'aurais imaginé plus dans les transports en commun. 15%, 16%, numéro 2. Mais devant c'est largement derrière. Devant la télé, ça m'étonne pas. Vu les conneries qu'on nous sert à la télé, Donc, la télé directement. Bah oui. La télé, c'est soit en fond sonore, soit parce que ta femme le regarde, The Voice ou. Oh, le sexiste. Je le vis au quotidien. Aïe. Je le vis au quotidien, donc je sais de quoi je parle. Donc ta femme regarde The Voice, je le disais donc, et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu surfes, faut tu joues avec ton smartphone. Logique. Mais que devant la télé, non, moins. Jouer moins, en fait. Plus c'est produit. Et il y a seulement sur les jeux, ou il y a également... c'est pas l'utilisation des smartphones en général, en fait, c'est juste les jeux. Non, là, c'est juste les jeux, ouais. Parce que moi, j'aimerais bien des stats sur l'utilisation réelle. Ouais. En même temps... Est-ce qu'on fait tel pourcentage de jeux, tel pourcentage de Twitter, Facebook, tel... Ça dit ça, enfin, ça vaut ce que ça vaut, comme. Mais oui. Ça m'a fait sourire. T'écoutes certains sondages, Mélenchon est président. À l'époque où t'as des grandes campagnes de pub et des grands slogans sur l'accessibilité, la joignabilité, en tout temps, toute heure, en tout lieu, ça m'a fait rire que finalement, les gros smartphones qui coûtent des centaines d'euros, finalement, servent à jouer à Angry Birds une demi-heure avant d'être couché, quoi. Ça m'a fait rire. Donc voilà. Mais pour rester dans la même news, et on en parlera à mon avis mardi quand on enregistre Telegram, Apple et Nintendo ont... Enfin, il y a eu des chiffres d'Apple et Nintendo où ça montre, depuis l'apparition de l'iPhone, les chiffres en baisse de Nintendo et les chiffres en explosion de l'iPhone. Ben, de toute façon, c'est un débat qu'on va avoir, hein. D'ailleurs, c'est dans la liste des débats télécom, les smartphones sont de plus en plus une plateforme de jeu. Et on a eu ce débat dans le BGS, hein, il y a quelques mois d'ici aussi, sur l'avenir des jeux vidéo. Vous mentionnez qu'en tant que console portable... Les chiffres sont vraiment intéressants à voir, parce que tu vois Apple qui monte à des 90 millions de... Ouais. Oui, mais le smartphone, il y a aussi qu'il y a... On va pas entrer dans le débat, mais qu'il y a plus de fonctionnalités que le du jeu, donc... Mais ça qui fait qu'ils en plus, mais... Si ça tue Nintendo, c'est qu'il y a une raison. Mais oui, voilà, petit à petit, ça tue le marché des consoles portables, quoi. C'est clairement pas encore adapté à tous les types de jeux. Confirmer que c'est clairement le but principal, à mon avis, de la plupart des gens qui achètent des smartphones de dernière génération. Je reste convaincu que ça n'est pas encore adapté à tous les types de jeux, parce que l'écran tactile, complet tactile, c'est pas encore adapté à tout. Non, mais il y a des jeux qui nécessitent encore une manette directionnelle. On va jamais remplacer nos consoles par des smartphones ou des tablettes, quoi. Qui sait? Un jour, peut-être. Non, tout de suite, non. C'est pas un débat que tu voulais lancer, je pense. Non, c'était pas un débat, c'était juste une petite news comme ça en passant. Donc, on peut passer. Et tu n'as rien vu, lu, entendu récemment? Non, récemment, non. Non, intéressant, regarde. Hein? Bah, vraiment, je suis toujours occupé, donc j'ai rien pu découvrir de très enthousiasmant ces derniers temps, donc non. Tu as découvert ce qu'était une femme. Oui, tout à fait. Bon, au suivant, je pense. En certain temps, mais bon. Voilà, on peut passer à la news de notre ami Stetson. Il y a le téléphone qui sonne. Il n'y a jamais personne. Qui répond. Et donc, moi, je vais aussi vous parler d'un livre, hein, pour faire le podcast intellectuel. C'est censé être moi, l'intello. Donc, le BGS devient un podcast littéraire et intellectuel. Et c'est pas de ma faute. J'ai changé d'avis, hein, parce que, être honnête... Patrick Poivre d'Avant, bonjour, bienvenue dans les mots de minuit. Nous allons... Oui, j'aime bien les mots de minuit quand j'étais petit. Quand tu étais petit. Bah, quand j'avais 15-16 ans. Ouais. Tu sais, quand j'étais petit, je regardais Santa Barbara et Denver le dernier dinosaure, quoi. Mais, bon, chacun ses références. Ça se vaut plus ou moins. Donc, je vais aussi vous parler d'un livre, ce qui n'était pas prévu, parce que j'avais pensé vous parler de The Avengers. Mais Nicolas m'a donné envie de parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois. Je culture Stetson. Je l'ai lu avant, hein. C'est Ready Player One. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. De Ernest Cline. C'est pas Get Ready Player One? Non, c'est Ready Player One. D'accord. Un livre de science-fiction qui prend place dans le futur proche, en 2044. Et de quoi ça cause? Donc j'y viens. Le monde est devenu assez post-apocalyptique presque. Mais il n'y a pas à cause d'une bombe ou quoi. C'est, je ne sais jamais vraiment expliquer comment c'est arrivé. C'est des récessions et tout ça. C'est bizarre dans les futurs, quelles que soient les fictions, le monde il est soit post-apocalyptique. Pardon, ou dystopien. Ou. Merci. Et tu lis dans mes pensées, toi. C'est aussi parce qu'il y a Hunger Games, tout le monde pense à la dystopie. Je n'ai pas vu ce film d'ailleurs. Mais rien que le lire, le résumé m'a fait beaucoup penser à Battle Royale. Lis plutôt le bouquin. Moi j'ai bien aimé les bouquins, je les ai eu tous les trois, j'ai bien aimé le film aussi. Mais bon. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Et la plupart. tout le monde utilise Oasis, qui est un genre de jeu virtuel qui on pourrait mélanger un genre de Second Life et de World of Warcraft. Mais beaucoup plus immersif. Pour faire copuler des orques. Donc ils mettent des lunettes et ils voient en 3D. C'est plein de références à la pop culture, c'est plein de références aux jeux des années 80 et tout ça. Et le but du livre, c'est le créateur de Oasis, qui était forcément très très riche, vu que tout le monde utilise son jeu. C'est là où les enfants vont à l'école et tout ça. Avant de mourir, elle avait laissé des secrets dans son jeu, des eggs, pour Easter egg dans les jeux vidéo. Il avait dit que le premier joueur qui arriverait à trouver tous ses secrets hériterait de sa fortune et de la possession de Oasis. Mais ils étaient vraiment très très très très bien cachés, donc tout le livre est une quête pour trouver les... Mais c'est surtout pour les références à la culture de ces années-là, aux jeux de ces années-là, Pac-Man, Joust et tout ça. Et c'est super fun pour quelqu'un qui a bien aimé. Dans votre cas, je pense que tous les deux, je vous l'avais conseillé de toute façon quand on s'était vu. J'ai une question. Parce que moi, tu m'avais conseillé, mais je n'avais pas encore vu le résumé. Est-ce que tu écrit... suces Pardon. Il est tard, il faut le comprendre. Oui. Ça a été écrit en 2011. Ouais. Parce que le scénario que tu m'expliques là, je l'ai déjà vu dans plusieurs animés, plusieurs... C'est ça qui me... Ça me fait penser, par exemple... Bon, c'est peut-être plus récent, donc là, je me trompe peut-être, mais à Strange Day, qui est un animé japonais où les gens comme ça sont ont comme second vie, on va dire, une vie virtuelle où ils mettent effectivement un casque de réalité virtuelle. Ils sont plongés dans un monde en 3D où ils peuvent vivre et interagir de manière normale et peuvent tout faire, y compris mourir dans ce jeu vidéo et dans ce monde virtuel. Moi, ça m'a fait penser à Eureka où c'est un peu le même principe aussi. Mais voilà, il y a ça, effectivement, en plus ancien, il y a un manhwa, Eureka, enfin. Il y a plein de... En tout cas, dans la culture japonaise, coréenne, dans tout ce qui est manga, manhwa, il y a une bouteille qui se plante à la gueule. Sur le chien de Mickey. Dans tout ce qui est manga, manhwa, etc., j'ai déjà vu énormément ce type de scénario, comme tu l'expliques là. C'est mais ça qui fait un peu bizarre. C'est assez profond, quand même, dans la quête. La quête prend vraiment longtemps, c'est... Ah oui, mais je ne dis pas que le livre n'est pas bien. Hein. Je le lirai, à mon avis, je trouverai peut-être ça... On a vu, t'adoreras, mais... Mais c'est ça qui m'étonne, c'est que le scénario est quand même fort proche... De beaucoup de... Ben c'est un mélange de plein de choses, donc forcément ça va rappeler plein de d'autres idées, parce que c'est au final c'est juste un livre d'aventure, quoi. C'est juste le monde dans lequel c'est transposé qui est un petit peu différent. Et j'ai un bouquin dont je ne me rappelle plus le nom, que je lisais étant petit, mais c'est un bouquin un peu plus littérature jeunesse quand même, donc c'est moins sûrement moins profond, mais pareil, c'est un gamin qui adore tout ce qui est jeux vidéo, qui est très fort à ça. Et qui un jour va dans une boutique, il n'avait jamais remarqué, de jeux vidéo, et qui demande un jeu, et le mec lui donne apparemment le jeu ultime. C'est quoi déjà le titre de ce bouquin? Le bouquin que je parle? Ouais. Je ne saurais pas dire. Et le gamin rentre chez lui, met le disquette dans l'ordinateur, et se retrouve propulsé dans le jeu, en fait. Et ça, le jeu ultime, il fait lui-même tous les tableaux du jeu, qui se passe d'abord au Moyen-Âge, puis qui se passe dans une autre époque, il fait toute une aventure. Enfin, je retrouve le nom de ce bouquin. T'sais. Ouais, c'est mais connu. Je crois que le problème, c'est que... Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, mais... C'est, ah non, mais c'est, voilà, ça a sûrement déjà... Je veux dire, l'histoire a déjà sûrement été... Il reprend plein de choses, donc forcément, ça ne gâche en rien la qualité du livre, quoi. Mais je veux dire, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette histoire plusieurs fois, quoi. Mais l'intérêt vient énormément des références, quoi. Qui, à mon avis, n'existe pas vraiment dans un autre livre. Peut-être. En tout cas, pas pour notre génération, ou peut-être un peu plus vieux que nous... En tout cas, pas plus jeune que nous. Nous, on est à la limite de la génération qui peut apprécié, ou alors quelqu'un qui s'intéresse à cette époque-là. Nous sommes la génération Y. C'est vrai, en plus. Et en plus, le fait que ça parle de plein de jeux d'arcade. Mais oui, c'est, voilà, ça ne gâche en rien la qualité du bouquin, sûrement. Je suis sûr qu'il est, voilà, que les références sont bonnes, que les, qu'il y a vraiment un intérêt, une aventure derrière, etc. C'est pas ça. De toute façon, tout n'est qu'inspiration comme ça, que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou autre. Si tu pars comme ça, n'importe quel film qui sort d'aventure actuellement, tu l'as déjà vu, quoi. T'as déjà vu telle chose dans tel autre film, t'as déjà vu, mais il y a une patte qui fait que la magie opère ou pas. Ouais, je dirais pas non plus que c'est le plus grand roman jamais écrit au niveau de la qualité d'écriture. D'ailleurs, à mon avis, c'est plus orienté vers des jeunes adultes, comme The Hunger Games, hein, d'ailleurs, qui est un young adult. Mais pour les références et pour le plaisir, enfin moi je l'ai fini super vite parce que j'arrivais jamais à le déposer tellement j'avais envie de continuer, quoi. Donc je trouve que ça fait ça un... Mais t'es un gamer. C'est une bonne expérience, ouais, forcément. T'es un gros gamer aussi. C'est une bonne expérience si un livre te fait faire ça, même si il est peut-être moins parfait que la littérature ancienne qu'on nous faisait chier à lire à l'école. Madeleine de Proust. Plus l'habitude de boire du whisky. Je fais des grimaces. Mais donc, je vous le conseille tous les deux. Je le conseille à tout le monde. Je l'ai conseillé, d'ailleurs, c'est celui depuis que j'ai mon Kindle qui m'a le plus passionné. Beaucoup d'idées aujourd'hui. Ouais, que de culturation et de littérature. Hein. Ouais. Et je crois que pour le débat, on va... Revenir à des sujets plus terre-à-terre. Voilà, revenir à des sujets un peu moins culturés, un peu moins littéraires. Hein, voilà. Un peu. Ouais, j'avais fini. Hein. Parce que moi, je t'interromps comme ça. Non, mais. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit sur le livre. C'est difficile de. J'ai pas envie non plus de vous spoil des points clés de l'histoire. Donc, c'est une aventure dans un monde virtuel. Mais avec des impacts sur leur vie réelle, forcément. Ouais, donc, on, pour retenir de cette séance de news, on recommande. On recommande le livre sans nom, on recommande peut-être à un autre niveau, mais je recommande quand même tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, merci. Et Angry Birds dans votre lit. et Angry Birds dans votre lit et aux toilettes, très important. Je crois que tout est dit, non? N'est-ce pas? Certes. Eh ben, on va embrayer alors sur le gros débat, on va vous parler un peu de... Deux séries, ça fait pas tort de revenir à la télévision un peu, des choses un peu plus... Je veux pas dire con, mais terre à terre. Nous allons donc passer au gros débat. Le gros débat. Gros débat. Gros débat. De ce télécom, j'allais dire moi. Je me perds dans mes podcasts. N'est-ce pas? Je n'en fais que deux et je me perds déjà. C'est déjà mal barré. Donc de ce BGS numéro 10, nous allons parler de séries TV. Un sujet. Il y a de quoi faire, je pense. Hein, qui va intéresser certainement notre ami Julien. Monsieur Chauve, peut-être un peu moins, mais il sera présent. Si. Alors, la question que je vais vous poser, c'est l'âge d'or des séries est-il terminé? A-t-on vu la fin de l'âge d'or des séries TV? Alors, petite explication rapide, petit débrief rapide, je vais vous faire une intro que j'ai préparée. Mm-hmm. Alors, bon, dans les années 80, on a eu la télévision fourmillée de séries. Il y avait énormément de séries... on va dire assez à succès, en tout cas chez nous. Hein. Je prends parti chez nous. Tu parles pas aux États-Unis. US. Je parle aux US après, mais pour ces années-là, je connais moins les US. Et je sais que chez nous, en tout cas, entre les MacGyver, Magnum et autres, Hawaii Police d'État, K2000, la télévision fourmillait de séries à succès. Et c'était un format qui marchait énormément. Ensuite, vint le début des années 90, où la série a peu à peu perdu de son... De sa splendeur, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Ou, en tout cas, bon, il y avait quelques séries excellentes, ça on peut pas le nier, dans les années 90, notamment par exemple Twin Peaks, hein, célèbre la série s'il en est. Ouais, n'allons pas jusque là. Mais en tout cas, ces séries n'étaient plus diffusées à des heures de grandes écoutes comme c'était le cas avant. C'était un petit peu, selon moi en tout cas, en déclin. On avait bien quelques bonnes séries, mais qui étaient diffusées à des heures assez tardives, ou sur des chaînes à péage, ou durant des nuits-séries, des soirées séries en deuxième partie de soirée. Enfin, c'était moins en vue, on va dire. Malgré ça, bon, il y a quand même beaucoup de belles séries, de grandes séries, comme par exemple Friends, qui est arrivé en 94, qui a marqué son temps. Lui, par contre, qui a été diffusé aux heures de grandes écoutes, et les Simpsons. Donc, c'est vraiment les deux qui arrivaient à atterrir dans le pack du jeu avec Buffy. Pour ici, parce que sinon, il y en a plein d'autres. Ah oui, tout à fait. Aux US, qu'on n'a pas eu, genre Friends et Frasier et Seinfeld, c'était bien plus gros que Friends. Oui, mais voilà, mais ça, par exemple, on les a eu, mais sur des chaînes à péage. C'est-à-dire sur des chaînes à péage ou à des heures beaucoup plus tardives. Chez nous, en tout cas, c'était moins diffusé. Ouais, chez nous, Friends, c'est la comédie de notre génération. Il y a eu X-Files et Millennium qui ont été diffusés chez nous, mais pareil, à des heures assez tardives. En tout cas, en Belgique, ça a été diffusé. Bah, X-Files, ça allait quand même, non ? X-Files, c'était sur RTL à 20h et quelques, donc ça allait encore, oui. Donc, bref, bon, ça, c'est les années 90, ça a été peu... Et en plus, nous, pour vite, on n'avait pas M6, et qui a eu énormément de séries. Qui a eu la trilogie du samedi soir sur M6 avec trois séries d'affilée, c'était quand même, ouais, ça a marqué une époque. Notre génération française. A été marqué par M6. Ouais, l'équivalent français de notre génération, effectivement. Et alors, c'est dans les années 2000 que les séries ont vraiment, en tout cas, selon moi, ont commencé à gagner leur galon en tant que production cinématographique, on va dire, avec des guillemets, évidemment, vraiment comme un réel substitut du cinéma. C'est un peu devenu, selon certains, le 7e art télévisuel, donc l'équivalent de télévision du cinéma. Et c'est là qu'on peut peut-être commencer à parler de Golden Age, même si bon, c'est peut-être pas des séries, on va dire, des séries vraiment à lourd de sens, mais des séries, vraiment des séries énormes avec une grande créativité, une grande innovation, mais quand même, les années 2000, ça a été vraiment marqué par des énormes séries qui ont eu un succès assez énorme, que ce soit chez nous ou aux États-Unis, et qui ont fait que la série est revenue sur le devant de la scène. Et ça a vraiment provoqué un renouveau de la vague série, avec des séries comme 24, Lost, Prison Break, Desperate Housewives, peu importe. Mais je cite les grands publics. Je sais que Stetson va réagir. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais là je fais un historique rapide en citant les grands publics, justement. Donc ces séries-là, 24, Lost, Prison Break, Heroes, tout ça... Sur ces années-là, en tout cas, ça a fait revenir auprès du grand public, dans le cœur du grand public, des séries. Et ça a fait que les majors ont de nouveau eu l'envie de produire de plus grandes fictions. Remarquez que c'était un business florissant. On peut le dire. Mais c'est pas vraiment pour ces séries-là que... C'est plutôt pour ce qui a vraiment marché ici et qui a ramené les séries, c'est Les Experts et Law and Order. Oui, j'allais venir après aux séries policières. Mais tu m'as fait mon paragraphe après. Mais c'est plus ça qui a amené... que Prison Break et tout ça, qui est plus... Déjà, c'est beaucoup plus tard, c'est dans la deuxième partie de... Bah, c'est 24, c'est 2001, ouais, 24, Lost, c'est 2004. Mais 24, c'est pas un si gros succès ici. Hein. C'est un succès, mais c'est pas du tout Les Experts, quoi. Ouais, non, les Experts, on est... Mais le chapitre suivant, on parlait également des séries policières qui ont ramené aussi ce Golden Age, donc il y avait les deux parties, en fait, pour moi. Il y avait tout ce qui est séries qui ont ramené auprès du grand public... Dans le cadre du grand public, les séries plus feuilletonnantes, et ce qui a ramené au plus du grand public, les séries policières. Donc, tu avais effectivement Lost, Prison Break, Heroes, 24, et Les Experts, Law and Order, de notre côté, qui ont ramené vraiment les séries policières, NCIS, enfin, toutes ces séries-là. Donc, je faisais vraiment une distinction, mais tu as raison d'amener les deux. Donc, voilà, ça c'est vraiment. C'est là qu'on commence. C'est parce que on peut dire qu'il y a une. Je vais vous laisser finir. Non, mais c'est parce que Lost, c'est un point important les séries après Lost sont typiques d'être après Lost. Les séries avant Lost sont typiques. Mais voilà, donc à part 24, qui est un petit peu entre le police, parce que c'est quand même une série policière, hein, 24, mais qui a un côté un peu plus d'avoir un concept un peu différent. Mais ce qui a ramené les audiences sur TF1 à regarder des séries et à ce qu'ils empêchent de. Est-ce qu'ils arrêtent d'utiliser des films et qu'ils repassent aux séries, c'est les séries policières. Ouais, tout à fait. Mais donc, à épisode, quoi. C'est ce que je dis. Donc, ça, c'était le chapitre. Donc, voilà. Donc, là, on est dans ce que certains, en tout cas, qualifient de Golden Age. Ça l'amènera après au débat. Là, je fais une introduction sans parti pris. Hein, après, j'expliquerai mon point de vue qui n'est pas exactement le même. Mais... Donc, ces séries-là, donc les séries policières dans un premier temps et les séries feuilletonnantes, type Lost, Prison Break, Heroes et autres, qui ont fait que ce renouveau des séries arrive et qu'on amène donc les chaînes à de nouveau vouloir investir dans ce format qui était un peu tombé en désuétude pour les films, justement. Enfin. Vous venez de gagner une deuxième chemise. Désuétude. Pour remplacer désuétude. Merci. Merci, merci. Et alors, mais ici, tu veux venir pour passer un désuétude. Oui, tout à fait. Et actuellement, là je fais vraiment un gros résumé rapide de ce qui se passe chez nous, sans parti pris. Après on discutera de mon avis et du tien. Et alors actuellement, par contre, on a l'impression que les chaînes ont beaucoup plus de mal, en fait, à réitérer les succès dans ce genre-là. On a vu beaucoup de séries, justement de ces fameuses séries à succès se terminer, on en voit encore maintenant. Bon, je sais que ça te fait mal, mais... Desperate Housewives se termine récemment, par exemple. Oui, mais Desperate Housewives se termine complètement dans un certain temps. Ça va différent en général, oui, tout à fait. Mais alors que à l'époque, c'était quand même aussi un énorme événement. Hein, voilà. Quand elle est sortie. On a la fin de House ici aussi, qui est arrivé récemment. Ouais. Mais House est plus l'équivalent d'un expert que d'une série. On a vraiment cette impression de la fin des derniers grands monstres de cette période. Et on voit que les remplaçants ne se profilent pas encore à l'horizon. On a des difficultés à retrouver vraiment les remplaçants. On voit des séries à peine entamées, pourtant par des créateurs de grandes séries. Donc par exemple Alcatraz, qui a été fait par J.J. Abrams. Enfin. Qui ouais, oui, mais voilà, justement. Non, mais il fait plein de séries, hein. Il fait en général le pilote, quoi. Je ne dis pas, mais voilà. Mais par exemple, on a vu Alcatraz qui était, entre guillemets, la façon dont c'était annoncé, on pouvait le voir comme le nouveau Lost. Ouais. Qui s'est royalement vautré, on peut pas dire autre chose. À raison, selon moi, mais pour avoir vu les deux premiers épisodes, ça c'est votre raison, mais ça c'est un autre débat. Terra Nova, par exemple, aussi, qui était une des grosses productions. Très cher, Terra Nova. Qui s'est complètement vautré. Donc on a l'impression que les studios ont voulu, suite au succès justement de cette vague de séries, se lancer dans ce format-là. Et ont voulu réitérer les vieilles recettes, comme tu disais, par exemple. On voit l'avant Lost et l'après Lost. Ils ont voulu prendre les recettes des séries qui ont fonctionné. Enfin, je te laisse finir ton intro et puis. Mais oui, c'est non, mais je pense que tu vas dire la même chose que moi. Ils cherchent à récupérer, à refaire. Ils cherchent à refaire un Lost. Succès, voilà, à refaire Lost. Ils cherchent à refaire quelque chose de sérialisé. Ouais, une série feuilletonnante qui avait succès, alors que c'est pas ce que les gens cherchent. Et qu'ils n'y arrivent pas, tout simplement. Ils sont loin de mais il y a plein de raisons en dehors, mais j'explorerai. On va explorer après. Je savais qu'il allait pas résister sur ce genre de débat. Donc, actuellement, voilà, on voit ça. Donc, soit ils essayent de refaire effectivement ces séries-là, soit ils nous resservent des vieux concepts éculés complètement merdiques, en nous ressortant des séries comme, bon, plus anciennement V. Mais Drôle de Dame, Dallas, Beverly Hills, Melrose Place, enfin des vieux concepts des années 90 qui avaient fonctionné et qui ne sont pas, conçus pour fonctionner à l'heure actuelle. C'est vraiment pas conçu pour ça. Donc on a droit soit à ça, à des ressassés de vieilles, d'anciennes séries qui ont pu fonctionner, ou encore l'éternelle énième série policière, donc soit spin-off... qui n'existe plus vraiment, qui est en train de mourir aussi. Qui est en train de mourir, mais soit spin-off de Law & Order, soit spin-off de c'est quoi, c'est Criminal Minds qui a eu un spin-off récemment Non, Bones a eu un spin-off, mais qui est en train de rater. Bones aussi, oui, effectivement. Ou alors ces éternels policiers qui ont des super-pouvoirs, entre gros guillemets, donc qui... une fois, c'est quand c'est pas un policier qui est romancier, donc il peut imaginer ce qui arrive au crime, c'est un policier qui sait analyser les os d'un simple coup d'œil, ou c'est un policier qui sait tout ça, parler d'entre de l'enquête. De moins marcher. Mais oui, justement, c'est ça, c'est là le. On dit que c'est la fin de l'âge d'or. Et même. De l'âge d'or sur l'audience, alors. Ouais. Et même la fameuse adaptation de Walking Dead, qui pourtant était quand même une licence porteuse. Qui en comics c'est quelque chose de vraiment génial. Même ça, il n'arrive pas à en faire quelque chose de passionnant, de trépidant, de... Mais ça, c'est un avis à toi, parce que c'est aussi le plus gros, leur plus gros succès, et un des plus gros succès du film. Je mets un avis, c'est un avis personnel, oui, tout à fait. Mais là, tu vois, tu peux pas dire que c'est... Parce que, critiquement, elle est quand même assez bien reçue, et vu que c'est un succès, c'est jugé comme une série à l'eau. Tout à fait, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, même dans ce cas-là, où il pouvait faire quelque chose de terrible, on a l'impression qu'il n'arrive pas à sortir quelque chose, à vraiment à faire une série qui sort du lot, qui amène quelque chose de nouveau, qui amène... on a cette impression qu'il reste bloqué... Non, je suis pas d'accord là, mais bon. On va en débattre après. Alors, bon, voilà, donc, est-ce que on est réellement à la fin de l'âge d'or? Est-ce que il faut pas chercher un peu l'Eldorado des séries ailleurs? Bon, il y a encore, selon moi, là, c'est un avis personnel, de nouveau, je vais mettre des pointillés, sinon ils vont encore être tatillons sur le sujet. Est-ce que il faut pas chercher un petit peu ailleurs? Est-ce qu'il faut pas chercher sur le câble, par exemple, sur les petites chaînes du câble? Mais ça, je trouve que ça devrait faire... Ça fait partie, pour moi, c'est... Le câble fait partie de la TV, voilà, donc... Ben, pour moi, dans les séries actuelles, vraiment, voilà... qui sort du lot, il y en a plus. On compte quoi? On compte Breaking Bad, on compte Game of Thrones, qui est l'adaptation d'un bouquin à succès qui pouvait prouver quelque chose d'énorme. Voilà. Il y a des comédies aussi. Hein, y a... Mais bon, on va entrer dans le débat. Ou alors, est-ce qu'il faut regarder aussi de l'autre côté de l'Atlantique, regarder du côté des séries anglaises qui ont peut-être encore cette petite patte d'originalité, qui ont peut-être cette... je sais pas, l'art de sortir du lot, c'est un peu... Bref, voilà. Est-ce que pour vous, j'y arrive enfin, est-ce que pour vous, cet âge d'or des séries dont on a tant parlé, ce revival du format série TV, est-ce que pour vous, c'est un peu terminé? Est-ce qu'on en voit déjà le bout? Est-ce qu'on voit déjà la fin de ces productions magnifiques qu'on a eu l'occasion de voir? Est-ce que... Tout un programme. Tout un programme. N'est-ce pas? Alors, je sens Stetson bouillonner, parce que c'est... non, mais déjà... J'ai fait une intro bateau, donc je vais, avant de te laisser la parole, si tu veux bien, juste demander son avis à notre cher Lucas sur ce sujet. Chauve, s'il te plaît. Oh, Lucas, chauve. Déjà, moi, je ne suis pas spécialiste en série, ni grand amateur. Enfin, Oh, quand même, t'as vu pas mal de séries. Bah, pas mal, mais surtout ce que tu disais... Je pense que Stetson ne sera sûrement pas d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'on commence à sentir un peu une surabondance, vraiment un gavage avec des nouvelles séries qui sortent tout le temps. C'est la pression que j'ai, ouais. Dans mon avis personnel. Je pense que c'est comme tout dans n'importe quel domaine artistique ou commercial, t'as un truc qui marche. Les chaînes ont senti le filon, voilà, et tout ça sentir tout. Mais vous parlez d'ici. Non, en général, moi, j'ai l'impression, même aux États-Unis, de ce que je suis en une nouvelle série que je vois arriver en VO sous-titré, j'ai l'impression que ils ont justement vu que c'était un bon filon, que c'était quelque chose qui était de plus en plus porteur et qui marchait aux yeux du public, et ils nous sortent tout et rien pour dire de sortir quelque chose et d'avoir leur quota de série. Mais je vais laisser Lucas finir voilà. Son avis avant. Du coup, je ne sais même plus ce que je disais. oui, il y a une certaine Les chaînes ont flairé le bon filon, ils en profitent, ils s'engouffrent dans la brèche, ce qui est bien normal de leur part, puisque c'est quand même pas des philanthropes. Maintenant, je pense que ouais, les gens commencent à en avoir un peu marre en général. Pas marre, mais y a trop de choix, il y a trop de mauvais trucs. Et je pense que à terme, ce qui restera, les gros mastodontes. Genre les experts, etc., ce genre de trucs qui marcheront toujours. Les experts sont sur le déclin, justement. Mais pas forcément les experts, c'est un exemple, mais ce genre de trucs... Ce genre de trucs, c'est un peu... Les séries policières, c'est plus trop ça. Je pense que ça trouvera toujours son public quand même. Les trucs, ce que je veux dire, les trucs simples, vite fait, qui peuvent être produits à la chaîne, pour moi, c'est ça. Les séries, justement, comme j'expliquais, de flics qui ont, entre autres guillemets, un super pouvoir, ce que j'appelle un super pouvoir... C'est-à-dire qu'ils ont une spécificité, on présente un flic qui, il sait, il sait lire, voir sur une scène de crime par les marres de café, les tasses de café qu'ont laissé les gens, qui a commis le crime. J'ai pas dit que toutes les séries comme ça allaient rester, mais J'ai l'impression que c'est plus que ça, les séries policières, maintenant. Ils ont tous qu'il y en a qui trouveront toujours leur public et qui resteront là. Il y a le Mentaliste, il y a Lie to Me, il y a Bones dans les eaux, il y avait Numbers avec les chiffres. Enfin, ils avaient tous une petite spécificité comme ça qui pour finir, c'est toujours le même format éculé. Ah bon. Et voilà, les autres qui resteront la tête hors de l'eau, ce sera les séries qui se démarqueront par leur qualité. Le reste, ce sera rattrapé par les coûts de production, les taux d'audience de merde, et un certain écrémage jusqu'à la prochaine mode. Pour moi, c'est... voilà. Les taux d'audience, c'est une des grosses raisons que on avait... Même si vous regardez en sous-titré, en VO, et que vous les prenez sur Internet, on avait quand même... On récupérait le meilleur. Et on avait parfois de la chance qu'une série soit travaillée et qu'elle ait une deuxième saison, qui maintenant est rarement le cas. Si ça marche pas en première, ça marchera pas. Ouais. Alors que dans les plus grands succès, Seinfeld a une très très mauvaise saison. Mais justement, c'est déjà de là, je vais peut-être pas exprimer dans l'intro, mais c'est ça aussi que je voulais parler, c'est que justement, à cause de ça, justement, ils ont remarqué que ces séries-là, ça allait pouvoir une audience énorme, avoir un succès grand public énorme, ces séries feuilletonnantes peuvent attirer un monde fou. Et donc maintenant, j'ai l'impression qu'il se passe, c'est que ces grandes chaînes veulent justement reproduire ce succès, mais de manière immédiate. Ils laissent pas le temps en série. Ils investissent tellement dedans pour avoir ce succès à la Lost ou peu importe, immédiat, qu'ils ne reproduisent ces succès immédiats, qu'ils ne laissent pas le temps à la série de s'installer. Et que si, au bout de 3 ou 4 épisodes, ça marche pas, ben, au revoir, on bac, on en diffuse 8 et puis on arrête. Mais le problème, c'est que c'est pas... Le problème, c'est dans leur manière de calculer l'audience qui n'est plus du tout réaliste par rapport à quand Lost est sorti. Donc, ils calculent toujours l'audience en utilisant des Nielsen Box. Ouais, des boîtes de sondage. Tu sais comment ça marche? Non. Ils mettent des... Bah, vas-y, explique. T'as certaines familles aux États-Unis ont un boîtier c'est qui recorde... Chez nous, hein. Ouais, c'est la même chose. Oui, certaines familles ont des boîtiers. C'est... Qui recordent l'audience, quoi. Mmh. Donc, ils regardent. Ils prennent soi-disant un échantillon représentatif de la population. Ben, mais le problème, c'est que plus personne ne regarde la TV comme ça. Les gens regardent la TV sur leur tablette, sur leur PC, en différé. Donc, une audience. C'est pas. Les audiences de la TV US ont énormément baissé, mais c'est pas parce que les gens font autre chose, quoi. Les gens regardent toujours la TV. Donc, ils regardent autrement. Ouais, ils la regardent autrement, et de deux, il y a aussi beaucoup plus de chaînes câblées basiques. C'est même, le problème chez nous, il y a les box, donc ouais. Les mesures d'audience. En tout cas, en Belgique, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais en France, j'en suis sûr, c'est la même chose. Certains échantillons de famille, ils prennent des échantillons, mais c'est encore plus marqué chez eux, parce qu'ils ont plus de services possibles. Voilà, ils mettent des box comme ça, qui enregistrent ceux qui regardent via le signal TNT, mais ce qu'ils enregistrent sur leur box, et qu'après ils regardent en différé, ou qui font en vidéo à la demande, ou sur le site de rattrapage de la chaîne ou quoi, c'est pas pris en compte. Ouais. Et ça joue quand même pas mal dans les... Oui, puis tous les sites genre Hulu et tout ça qu'on n'a pas accès. Il faut voir le chantier représentatif aussi. Hein. Oui. je sais pas si c'est vraiment... qui choisit ça, comment, c'est une autre histoire. Donc cette manière-là, plus le nombre de chaînes qui ont augmenté, plus toutes les différentes possibilités de regarder la TV, ça fait que t'as plus les mêmes audiences, alors qu'en fait, tu les as. Community, par exemple, a des audiences de merde, alors que c'est une des séries les plus parlées sur Internet. Oui, c'est le plus échangé, oui. Et c'est d'ailleurs les communautés de fans qui, dans certains cas, ont fait revenir certaines séries ou ont fait continuer certaines séries. T'as le cas de Chuck, t'as le cas... Oui, bon, peut-être à tort. Chuck, je suis pas fan, par exemple. Chuck, ça a duré trop longtemps. Fringe va encore avoir une saison, ça a été annoncé. Fringe, par contre... Fringe, les dernières saisons, c'est vraiment mou, quoi. L'épisode 19 de là, ça c'est une considération plus personnelle, mais l'épisode 19 était assez excellent. Bref, ça c'est notre histoire. C'était dans le futur. Mais c'est ça, voilà, c'est ça le problème, ça se joue plus seulement sur ce marché-là. Les chaînes, un, se basent trop là-dessus, et deux, veulent avoir immédiatement le succès qu'ils ont eu. Que dans les années, la fin des années 90, début des années 2000, il laissait un peu plus de temps à une série pour grandir. Parce qu'il faut que le temps qu'elle s'installe, il n'y a rien à faire. Les premiers épisodes, les gens vont la regarder, ils font connaissance avec les personnages, ils découvrent, et Il y a des séries qui marchent bien dès le début, hein, mais... Oui, tout à fait, mais elles sont rares. Et puis c'est après un moment, le bouche-à-oreille faisant, ah oui, t'as vu le dernier épisode de machin, tel personnage a fait ça, ben on veut apprendre à connaître tel personnage, on regarde depuis le début, on rattrape, on revient, et c'est là que ça commence à prendre son public, quoi. Donc c'est, pour moi, en tout cas, c'est un des problèmes effectivement actuels, c'est qu'ils laissent pas le temps de s'installer aux séries, et ils essayent surtout de récupérer des vieux succès en lançant des recettes déjà, déjà éculées, quoi. Éculé, j'ai gagné une chemise. Non. Non, mais par contre, ça, je suis d'accord qu'ils essayent de recréer des séries comme Lost. Je sais que mes exemples étaient un peu bateaux, mais c'était vraiment pour citer des choses marquantes chez nous. Lost, Prison Break, 24, c'était vraiment des choses qui ont... Eros, des choses qui ont marqué chez nous, quoi. Alors qu'Eros, par contre, c'est un ratage total aux US. Ouais, bah, en même temps, quand tu vois la saison 3... Ouais, mais Prison Break, dès la saison 1, c'était mauvais. Prison Break, non, la saison 1, je trouvais ça bien. Ils auraient dû s'arrêter là, par contre. Il y avait 12 épisodes dans la saison 1 qui étaient de remplissage, parce que techniquement, c'était censé être une série qui faisait 13 épisodes. Mm. Ils ont augmenté à 24. Et donc, tu vois bien, là où ils ont rempli, en vitesse pour avoir assez d'épisodes, la fin de la les premières parties de la saison 1 et la fin de la saison 1 sont bien, ce qui aurait dû être la saison 1, en fait. Ouais, enfin, ça, c'est une considération pour personne, mais voilà, Prison Break, voilà, j'ai bien aimé la saison 1, mais ils auraient dû s'arrêter là. Je pense aussi. Mais ça, c'est le cas de plein de séries. Moi, je trouve que Fringe, ça aurait dû s'arrêter en saison 2, avant que ça aille trop loin dans le délire, mais... Ouais, c'est vrai que c'est parti un peu en délire, mais j'aime toujours bien, je... Mais il y a quand même toujours des succès, et le problème, c'est que quand Lost est sorti... Mais, tu vois, par exemple, actuellement, qu'est-ce qui... Tu les connais pas, mais il y en a. Mais oui, d'accord, il y en a, mais par exemple, il y a certaines chaînes, c'est, pas toutes évidemment, mais par exemple la CW pour le moment, ils sont... Oui, mais ça a toujours été. Hein. C'est un exemple, mais ils sont dans la... Ils ont plus de licences phares, ils n'ont plus de... Mais ils en ont jamais vraiment eu. Ouais, mais ils ont... Mais le problème, c'est que... Je veux dire, même celles qui sans vraiment marcher du tonnerre, fonctionner un peu et laisser une certaine audience, même celles-là se terminent, donc... Ils ont Supernatural qui se termine et ils ont Smallville qui se terminait. Mais ça reste le cinquième network qui a toujours été plus bas, qui est plus proche d'avoir des chiffres moins gros que du câble. Donc, Mais qu'est-ce que... vas-y, toi qui suis beaucoup plus actuellement les séries... La CW a pas grand-chose. Hein, actuellement, sur les grosses... Bon, pas les chaînes du câble pour le moment, les grosses chaînes... Once Upon a Time, ça a bien marché. Moi, j'aime pas trop, mais c'est relativement bon succès. Dans les comédies, New Girl avec Zoé Deschanel, ça c'est bien marché. New Girl, j'ai entendu beaucoup de bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a... Mais je veux dire, t'as plus, malgré tout, autour de ça, t'as plus l'engouement, quand même, qu'il y a pu y avoir à l'époque d'un Lost. Si, mais il est plus sur Lost, c'est tout. Il est plutôt sur un truc comme Walking Dead, ou bien Community, ou Game of Thrones. Ouais. Et à l'envers, hein, monsieur. Walking Jean. Dead. Walking Dead, il fait des chiffres énormes. Hein. Bah ouais, peut-être bien. Mais c'est vrai, c'est la grosse histoire. Mais Walking Dead, la qualité a des problèmes techniques, de problèmes de budget, tout simplement. Du fait d'avoir dû trop payer pour Mad Men, ils ont plus assez de budget. Problème d'acteur aussi. Problème de beaucoup de choses. Ouais, les acteurs, ouais, je suis d'accord. De lenteur, d'acteur, de... Mais les problèmes de la saison 2 sont quand même énormément liés au budget. Hein. Parce je sais pas, j'ai même pas vu la saison 2. Ouais, moi j'ai regardé la saison 2. Je me suis farci la saison 2 au complet. Mais je trouve que c'est pas... En niveau qualité, je trouve pas qu'on a tellement changé. Je trouve qu'il y a toujours des bonnes séries. Il y en a pas moins qu'avant, hein. Il y en a toujours autant. C'est plus au niveau... grand public peut-être que la flamme série s'était un peu petit à petit et qu'elle c'est des productions qui ciblent plus des gens qui aiment ça, qui suivent Et puis il y a plein de shows du câble qu'on voit pas ici mais qui marchent super bien, hein. Tous les shows genre sur comment ça s'appelle en français, les pawn shops, là où on va déposer pour tu déposes un peu comme Cash Converter, tu déposes un objet et t'as de l'argent mais t'as le droit d'aller le rechercher. Ouais, bref, je vois le... Mais bon. Notre public a vu via ton explication, vas-y. Y a plein de shows comme ça, ou bien... C'est un monde piété. Ouais, c'est un monde piété. Voilà. Prêt au sauvage. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais monde piété, c'est le mot que j'aurais voulu. Il y a aussi des shows sur des... Enfin, il y a plein de shows de TV-réalité qui marchent beaucoup et que vous voyez jamais. Et ça prend de l'audience aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, bon, je dis pas que ça, c'est de la qualité, hein, mais je trouve pas qu'au niveau série, c'est vraiment pire qu'avant. C'est sûr qu'il y a plus un succès comme Lost sur les chaînes publiques. Ça, je suis d'accord. Ouais, t'as plus l'âge d'or grand public qu'on a connu au moment de Lost, où n'importe qui, même ta voisine de 70 ans, me trouvait en disant « Ah, ben, tu crois qu'en réalité, ils sont tous morts ?» Ouais, ça, j'exagère un peu le trait, mais t'as plus ce syndrome-là de la personne qui regarde RTL et qui vient de dire « Ah ouais, t'as vu le dernier épisode ?» Ça, il y a moins maintenant, mais il y a même moins aux US. Voilà, et c'est vrai que les séries comme CSI et tout ça, c'est... Mais c'est ça que je veux dire, on dirait que c'est, selon moi en tout cas, un peu cyclique. T'as vraiment les séries, t'as eu la vague de séries fin des années 80, début 90, plus grand public, je disais MacGyver, Magnum et autres. Puis c'est reparti un peu dans l'oubli, en tout cas, du grand public et des chaînes de TV. C'était mis en deuxième partie de soirée sur des chaînes à péage. Il y avait toujours de bonnes productions, hein, mais qui restaient un peu plus dans l'ombre. Puis c'est revenu aux yeux du grand public avec certains phénomènes assez feuilletonnants, Lost, Heroes, comme je l'ai dit, et autres. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'on repart on revient dans le creux de la vague où, voilà, il y a toujours de bonnes choses, mais qui restent un peu... Dans les comédies, je trouve qu'il y en a pas mal sur les... Cette année, je trouve qu'il y a eu pas mal de nouvelles comédies qui étaient sympas. New Girl, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, on en parle de ça, mais t'as pas l'impression que ça redevient un peu... comme ça a pu être pendant une époque, un peu plus... je vais pas dire confidentiel, mais... Mais c'est dû au fait qu'il y a plus de choses. Ça parle moins aux gens lambda. Oui, bah parce qu'il n'y a pas un gros truc, mais... À mon avis, si on vivait là-bas, il y a sûrement... Game of Thrones, c'est pas... C'est gros. Donc, même s'il y a peu d'audience, ça reste énorme et tout le monde en parle. Alors qu'ici, t'as pas du tout ce feeling-là. Ouais, pas beaucoup d'audience. Bah, c'est HBO, donc il y a pas... C'est jamais... Game of Thrones, ouais. Bon, Game of Thrones, c'est bien. Là, il faut croire quand même. Dans la série la plus proche de Lost dans l'esprit, c'est Person of Interest qui a été renouvelée. Qui est un genre de thriller avec des meurtres. Ouais, non, j'ai vu, mais... non, je sais pas, c'est cette impression de moins... D'ailleurs, avec Michael Emerson de Lost. D'être moins grand public et d'avoir... que les choses qu'ils essaient de sortir pour plaire à ce type de public-là, le grand public qui regarde... bon, je prends l'exemple chez nous en disant RTL, mais aux États-Unis on pourrait citer Fox, je sais pas, le soir, les cop-shows sur Fox, ou les... Essayer de les amener... Les quatre sont fort proches, hein, dans l'esprit. Essayer de les amener à quelque chose d'un peu plus... ces séries-là qui sortent en tout cas actuellement n'arrivent pas à remplir leur rôle et ne sont pas... Non, ça c'est sûr, mais je trouve pas que c'est une question de qualité, je trouve que c'est juste une question de choix. Hein. Voilà, je suis d'accord avec toi. Pour moi, on n'a pas quitté l'âge d'or parce que la qualité... Mais l'âge d'or, en plus, c'était plutôt... C'est un terme un peu... La qualité, elle est là, elle restera toujours là. Il y a toujours des choses de qualité qui sortiront. Ils sont peut-être moins connues du grand public, mais qui sortiront. Je disais Game of Thrones, on n'en parle pas, mais c'est quand même quelque chose que la plupart des gens commencent à connaître. Oui, voilà, mais je dis peut-être. Quoi. Ils sont peut-être moins grand public, mais qui resteront quand même... qui resteront quand même intéressantes, de bonne qualité, de bonne facture, etc. Pour moi, voilà, là c'est un avis personnel, oui, clairement oui. Mais voilà, si on positionne l'âge d'or comme étant le fait que le grand public a commencé à connaître les séries et que c'est un format qui a gagné un peu ses galons d'honneur auprès du ici, grand public, quoi, en tout cas. Je trouve que c'est de moins en moins le cas. Pas qu'ici, j'ai l'impression que c'est le même... Mais il y a toujours des trucs qui marchent super bien, c'est juste que c'est pas transcrit ici. La TV-réalité, ça marche toujours super bien, Survivor, ça marche toujours, The Amazing Race, ça marche toujours. La TV-réalité, tu peux pas m'empêcher de garder ça à part... la TV-réalité, c'est les plus gros scores d'audience, hein, donc... Ouais, mais je... Et les comédies... Je garde ça à part du monde série, je sais pas. Les comédies, elles marchent bien. Hein. C'est peut-être la plus grosse révélation de cette année, pour eux, c'est que les comédies remarchent assez bien. Après pas mal de... Et c'est assez logique du fait d'être en proche d'une récession, que les gens n'ont pas envie d'un drame à la Lost, d'un truc trop lourd et triste. On veut de rire et on veut de... Bah oui. Et donc c'est pas juste la TV, c'est aussi le monde dans lequel on est, quoi. Les comédies, je trouve que ben, New Girl c'est bien, Raising Hope ça s'est amélioré cette année, c'est renouvelé. Oh, I Met c'est devenu un peu moyen, mais ça reste quand même acceptable à regarder. Oh, I Met, la saison 7, quelqu'un. Happy Ending c'est devenu super. J'ai tenu jusqu'à présent. J'ai persévéré jusqu'à la saison 7. Hein. Par contre, oui, The Office, par exemple, c'est devenu pourri. Mais pour un des plus gros succès de NBC, c'est devenu... Ouais, IMET, si tu prends par là, moi, IMET, je trouve que c'est devenu pourri. Ça, c'est l'objet IMET de la vie personnelle, là, mais... Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus en plus, en tout cas, qu'ils essayent de... Je sais pas, de... Ça, c'est une impression personnelle que je ressens. Il reste toujours des choses de qualité qui marchent, comme tu l'écris là. Mais j'ai l'impression qu'ils cherchent de plus en plus à... retrouver un succès du passé en nous ressortant quelque chose qui a pu fonctionner, que ce soit un thème, une série, un nom de série, peu importe, mais en nous ressortant quelque chose qui a pu fonctionner pour essayer d'à nouveau refaire du fric dessus, quoi. C'est ce qu'ils ont essayé cette année fort. Je dis mais même c'est non, pas dit mais... qu'ils vont réessayer l'année prochaine. Oui mais voilà, mais par exemple les... là ils parlent de quoi, du remake de Dallas par exemple. Faut arrêter quoi, à un moment faut... Peut-être que ça marchera. Peut-être, mais... Enfin, tu le conçois psychologiquement de regarder le remake de Dallas? Non, mais je ne veux pas regarder Dallas déjà à la base. Moi non plus. C'est, voilà, faut... Dallas, Drôle de Dame, K2000, Knight Rider, V, tout ça, c'était ouais, mais ça, c'est... catastrophe sans nom. Mais je veux dire, on a l'impression qu'ils cherchent de plus en plus. Les remakes, ils font la même chose au cinéma, donc c'est juste reprendre tout à fait, la même tout à fait. Idée. Ça c'est clair, c'est le même débat au cinéma qui s'étend au cinéma. Mais que justement, ils, par peut-être manque de créativité, ou de ils essayent de trouver une recette qui leur rapportera le succès et qui leur apportera du fric, et ils nous sortent tout et n'importe quoi, et ils essaient de retrouver des vieilles choses qui ont pu fonctionner en se disant ah bah tiens voilà ça a fait l'événement, ben on va le relancer, ça va faire l'événement et ça va amener de l'audience. Peut-être. Ça c'est ce que j'ai de plus en plus l'impression, j'avais pas l'impression il y a quelques années en tout cas. Pourtant à mon avis c'était la même chose, c'est juste que tu t'en rendais moins compte. Parce que ça a toujours été... Peut-être. Hollywood a toujours essayé de recycler ses idées. Hein, donc, Ouais mais j'ai l'impression que les séries étaient un peu plus épargnées encore dans les années... Début des années 2000, les séries étaient... J'ai l'impression que début des années 2000, je dirais oui, en 2000 et 2005. Et d'ailleurs, c'est en général, on dit que le. Mais après Lost, c'est. Enfin, j'ai l'impression que c'est vers la période Lost qui a commencé en 2005, je pense. 2004. A été plus une période justement charnière à ce niveau-là, quoi. Et que c'est j'ai l'impression que c'est après ça que ça a commencé à. Parce que par exemple, ils ont refait Beverly Hills en oui, 2008. Voilà. Beverly Hills, Melrose Place, des séries comme ça, mais. Même Beverly Hills, ça a marché relativement ok pour CW. Ça, je veux bien le concevoir, mais je m'en fous, moi, de ça. C'est pourri, il faut arrêter. Ouais, mais bon. Ça fait plus... rentrer de l'argent. Voilà. Ouais, voilà. NCIS, c'est pourri. Hein. Il n'y avait même pas Brandon. Ça. Il y a plein de séries qui sont pourries et qui marchent bien ici. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc. Je suis d'accord avec la séparation entre. Audience réelle, le fait que ça marche, ça apporte du fric, ça apporte de l'audience et la qualité. Il y a une distinction très claire, ça je suis entièrement d'accord, mais. La qualité pour moi elle est à peu près pareille, il y a peu de différence. Il y a moins de grandes séries comme on a eu sur les. Oui, voilà, t'as tellement de grands noms actuellement qui ressortent en comédie, elles sont toujours aussi bien. C'est par juste leur qualité ou leur. Peut-être en comédie, mais après ça, t'as. Série dramatique, série... Mais c'est peut-être aussi parce que les goûts des gens qui ont été de plus en plus habitués à des séries du câble est devenu un petit peu plus affiné que... Et donc, peut-être que Lost, tu vois, Lost a quand même eu des saisons très mauvaises. Hein. Lost, la 3... Oui. La 3e saison a été... J'ai eu du mal à passer au-delà, ouais. C'était assez catastrophique. D'ailleurs, il y a eu un tweet de Damon Lindelof qui se moquait de la 3e saison. C'était assez ironique qu'il ose le dire maintenant. En même temps, il y a de quoi. Ouais. 3e saison de Lost, assez catastrophique. Mais bon, il n'y a plus un Lost, mais Person of Interest, c'est le plus proche de ce que pourrait être Lost. Peut-être que ça grandira. Hein. s'il lui laisse l'occasion de grandir. Mais il enfin, ils vont le relancer. Oui, ils l'ont renouvelé. Donc c'est déjà une deuxième saison. En général, si t'as pas trouvé ton public à la deuxième saison, c'est que tu le trouveras pas. Ouais. Quand même, ouais. C'est vrai qu'il faut pas non plus pousser trop loin. Mais... Voilà. Et une série comme Fringe, elle a jamais trouvé son public. Et c'est juste parce qu'elle se retrouve un peu dans une zone où elle fait assez d'audience pour pas leur faire perdre d'argent. Et ça leur remplit un jour sans devoir s'inquiéter. Ils votent dans une case horaire un peu particulière. Puis ils la mettent le vendredi qui est un jour mort aux US. Voilà. Donc, Fringe. Même chez nous, c'est la même chose. Hein. Fringe a toujours été un peu à part. Ils vivotent un peu entre deux cases horaires. Par exemple, il y a eu un autre remake cette saison qui a pas du tout marché, c'est The Firm, pour qui est le remake du film La Ferme. Mm-hmm. Avec Tom Cruise. Mais qui est... Tom Cruise. Cruise. Tom Cruise. Le quiz de Tom. Mais il y a des séries qui se vendent bien à l'international et ça aussi, ça joue sur comment elles vont être achetées ou pas. The River, par exemple, c'est une série qui a été financée énormément à l'international et qui réussira peut-être à avoir une deuxième saison en changeant de network. Mais... Malgré des audiences assez basses. Et sinon, tu disais, est-ce que l'Angleterre, c'est bien? L'Angleterre, ça a toujours été tellement différent que c'est presque incomparable. Ouais, c'est pas du tout le même marché. Et c'est pas du tout les séries anglaises qui vont satisfaire le public français qui est déjà... Non. Je parlais plus dans mon type coup de cœur de geek, on va dire. C'est vrai que c'est un marché complètement à part et... Un marché où les Anglais sont satisfaits d'avoir une série de 4-5 épisodes et peut-être que ce sera juste ça. Ça correspond pas du tout. Non, ça correspond plus à des films. La preuve, c'est que les Américains, quand ils reprennent une série anglaise, ils ne veulent pas se voir diffuser, ils l'adaptent. Quoi. Ouais. Ils l'adaptent à leur format, à leur... Du fait que leur public n'est pas adapté, c'est pas vraiment critiquable. Hein. Ah oui, non, tout à fait, c'est pas du tout le même marché, même méthode de la même manière de fonctionner. Alors que Sean nous fait des grimaces un peu bizarres. On dirait qu'il est fatigué, le petit. Non, tu crois? Bon, il n'est que 3h15 du matin. C'est tout. Mais je trouve qu'au niveau de la qualité, Breaking Bad et tout ça, c'est quand même... Breaking Bad, par exemple, c'est des seuls encore actuels dont j'attends la suite. J'attends vraiment le... C'est une putain de bonne série, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Mais sinon, en général, on considère le début des années 2000 après Soprano comme étant... Pour la qualité, c'est là où ça a vraiment changé. Là, j'ai cité les choses grand public, mais on peut sortir un peu de ça. Et c'est vrai que si on parle des Sopranos, on parle de Oz, on parle de... Veux dire. Pas Oz. Oz. Laisse. J'ai dit quoi? Oz. Oz Dead. Ouais, ok. C'est bien celle-là. Okay. Mais j'ai dit quoi, en fait? Bah, c'était un peu... Du Oz. Ouais, peut-être un peu trop de... Il est tard et j'ai peut-être un peu trop de whisky et d'autres alcools dans le sang. Alors, c'est peut-être ça qui joue aussi. Mais oui, voilà, si tu sors un peu des sorties battues, il y avait des séries. Mais c'est avant Soprano. Ouais, mais bon, ça reste dans cette période que j'ai vue à la fin des années 90 jusqu'à mi-2000, quoi. C'est cette période-là. Ouais, vraiment la fin. Et The Wire, qui reste considéré comme la meilleure. Sur écoute chez nous, pour ceux qui veulent le voir, c'est juste génial, quoi. Ça fait partie vraiment des top séries. Deadwood et tout ça. Mais des séries comme ça, actuellement, en tout cas, je ne parviens pas à en retrouver. Game of Thrones. Oui, voilà, Game of Thrones, oui, d'accord, ok. Mais ça, je sais pas, pour moi c'est encore différent, c'est tiré d'une licence de bouquin, un truc fantastique qui devait fonctionner. Comme Walking Dead, pour moi, devait fonctionner, et... ne fonctionne pas, en tout cas, à mon niveau. À ton goût, parce que pour eux, ça fonctionne super bien. C'est ce que je dis, à mon niveau. Voilà. Pour moi, Game of Thrones, c'est ça. Ça devait fonctionner, ça fonctionne comme Walking Dead devait fonctionner, et ne fonctionne malheureusement pas. Mais je retrouve pas de grandes séries innovantes, comme ça, nouvelles, comme The Sopranos, Six Feet Under, peu importe. Mais il y a... The Wire. Il y a des séries qui marchent bien, hein, sur HBO, Boardwalk, tu disais un peu plus tôt. Ouais, Boardwalk, j'aime bien, mais... traîner. J'aime bien, quoi. C'est ça le problème. C'est j'aime bien, je reste en surface. J'ai pas quelque chose qui me transcende. J'aime bien, je regarde avec plaisir, c'est sympa, c'est une bonne histoire, c'est bien tourné, c'est beau, c'est léché. Et après, ça ne sort pas du carcan, ça fait pas un petit chef-d'œuvre qu'on a pu avoir. Mais je suis peut-être devenu difficile. Ouais, voilà. À force d'en regarder. Ouais, t'en as regardé tellement que. À force d'en regarder, je suis devenu difficile, j'en sais rien, mais. Vous le direz, cher public. Le final de Walking Dead a été vu par 9 millions de personnes. Mm-hmm. Et un bon résultat sur un network, ce serait 15-16, ce serait déjà c'est un bon résultat déjà. À se demander comment ils ont tenu jusque-là, parce que moi j'ai dû me forcer. Bon, la fin était bien. La fin était bien, mais qu'on avait jusque-là, c'est le parcours du combattant, les 9 épisodes qui précèdent. Hein. Les 9 premiers, ils sont. Bah non, au début ça passe encore, c'est le milieu qui est vraiment dur. Quoi. Je sais pas, j'ai pas vu. C'était prévu, mais jusqu'à. Mais toi qui connais l'histoire, quand ils sont à la ferme. Ouais. Bah c'est tout à la ferme. Voilà, toute la saison se passe à la ferme. Oh putain. Oui, je sais. J'ai cru aussi à un court instant. Bon, spoil, hein. Ceux qui n'ont pas lu le comics, écoutez peut-être pas, même si c'est un mini spoil. Mais j'ai cru quand même qu'ils allaient atteindre la prison avant la fin de la saison. Ouais. Et c'est ce que je t'avais dit dans une news, j'avais vu des barreaux et tout, mais. Non, tu vois la prison à la fin. Voilà. Le dernier plan de la saison, c'est la prison. C'est tout. Le reste, c'est à la ferme. À chercher ces putains de connasses de gamines de mes deux. Qui fait chier éternité. Tout le monde. Bon, bref. Mais je trouve que c'est le fait que les comédies marchent bien. À mon avis, la saison prochaine, il y aura plus de comédies. Peut-être qu'il y aura une comédie qui va vraiment avoir un gros succès, comme Friends, hein. Pendant super longtemps. Je sais pas si. Non, série mais c'est à l'heure dans actuelle le sens va succès, arriver. Quoi. Oui, tout à fait, mais est-ce que cette série à l'heure actuelle va arriver au niveau de Friends? À quel niveau? Quand même un gros doute au niveau du succès. Succès, non. La longévité. Succès, c'est impossible maintenant, de toute façon, d'avoir le même succès. Mais voilà, c'est peu atteignable. Mais la longévité, au IMET, c'est pas loin. Hein. Ouais, peut-être. Mais ce serait dommage quand IMET arrive jusque-là parce que. Vu comment ça part là. Mais Friends, c'est parce qu'on a un souvenir un petit peu amélioré de Friends et ouais, un peu nostalgique parce qu'il y avait des saisons très faibles hein, dans la fin. Ouais. Donc c'est un peu. Peut-être, ouais. Mais c'est le fait que NBC, pendant des années, a été premier, maintenant il est quatrième, grâce à des comédies. Peut-être, donc les comédies qui se traduisent beaucoup moins bien quand elles passent l'Atlantique. Et les comédies marchent jamais aussi bien ici, à part des rares cas comme Friends. Les comédies, c'est bien beau, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il n'y a pas. À côté du côté. D'accord, comédie, ok, d'accord. Mais. Et après? Oui, mais. Les gens séries... qui veulent maintenant, c'est des comédies. Ok, voilà, mais au niveau d'heure, les gens, ils veulent ça. Et donc, les chaînes, en toute logique, comme disait notre ami Chauve... Ils veulent ça ou bien de la Real TV en forme, hein. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ça. Et de la Real TV. La comédie, de la Real TV, mais à côté de ça, ben, des bonnes séries feuilletonnantes avec des vraies histoires, ou des bonnes séries... sur le câble. Des bonnes séries... les quelques rares sont sur le câble, voilà. Ouais. Mais bon. Après, voilà, mon avis personnel, on n'est pas... Voilà, l'âge d'or, c'est un bien grand mot. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment eu d'âge d'or à ce moment-là. Il y a toujours eu des bonnes séries. Il y a toujours eu des bonnes séries. Bah, elles s'en sont améliorées, je trouve, dans les années 2000. Je trouve qu'il y a eu. C'est juste qu'il y a eu, voilà, il y a eu une espèce de vague au niveau du grand public, au niveau des séries feuilletonnantes qui arrivaient dans ces années-là. Mais en dehors de ça, oui, le temps tourne. Il y a toujours eu, pour moi, des bonnes séries. Et je crois qu'il y en aura toujours malgré tout. Hein. Et cette saison, ouais. J'ai juste l'impression que les networks, de plus en plus, essaye de nous ressortir des succès éculés, de revenir à la charge avec des vieux concepts qui ont marché et qui ne marchent plus, quoi. Il faut qu'ils n'essayent pas d'innover, de trouver quelque chose de nouveau. Mais c'est pas dans la main, et pourtant, pas dans l'habitude de ce genre de personnes. Mais non, voilà, exactement. Mais bon, il faut chercher du côté du câble à ce moment-là. Ouais, au niveau de purement qualité, Homeland cette saison serait une excellente série. Et c'est une nouvelle série. Pas encore vue, mais... Qui sera renouvelée. Et pour ton information, chauve, on est à 46 minutes, donc nous sommes encore dans les temps. Et, dans, par contre, dans les autres séries qui ont été annulées, mais pas pour des raisons un peu autres, Locke a été annulé. Je sais pas si vous avez vu pourquoi. Locke, c'est la nouvelle série de David Mitch, donc, celui qui a fait Deadwood. Non, j'ai pas vu. Qui était basé sur, enfin, qui était centré sur les courses hippiques. Ah si, j'en ai entendu parler, ouais. Mais je sais plus pourquoi c'est. Parce qu'ils avaient trop de morts de chevaux. Oui, voilà, c'est ça, oui. Mais sinon, c'est une bonne série. Les premiers épisodes étaient sympas. Mais elle a été annulée. Elle sera jamais montrée la fin. Mais bon, c'est une raison un peu hors. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est triste dans les séries, c'est quand t'as pas la fin comme ça. Des séries toutes bêtes, genre Jérémia, ou genre. Enfin, Jérémia, ils ont voulu. Ça a quand même donné un peu la fin, mais ils l'ont précipité, tu le sens bien, ou des séries comme. J'ai pas d'exemple qui vient en tête, donc je prends des exemples peut-être bateaux, mais KLXY, ou t'as pas de fin, ou des. KLXY. Oui, je sais, ce sont des séries bateaux, mais j'ai bien aimé KLXY. ABC Family. J'ai bien aimé KLXY, je le reconnais. Firefly, hein. Cher public, KLXY, Firefly. Voilà. Merci pour l'exemple. C'est ça que je cherchais. Deadwood, hein. C'est le genre de série que je cherchais. Carnivalet. Où tu n'as pas. Oh putain, ça c'était bon, ça. Ça c'était bon, ça. Je regardais à l'époque sur Canal Plus en VO sous-titrée. C'était une des premières que je regardais en VO. C'était. C'était il y a longtemps, ça. Mais c'était. Ils l'ont diffusé sur Canal Plus avec Dead Like Me. Ouais, Deadline, c'est dans la même. Car en plus, ils faisaient des soirées séries comme ça. Mais je pense que. C'est ça que je parle chez nous de chaînes à payage et de ouais, ouais, soirées. Car en plus, ils faisaient ça, ils faisaient Deadline Me et Carnivalet en suivant dans une soirée. Putain, qu'est-ce que c'était bon. Mais voilà, c'est le genre de série où t'as pas de fin. Et qu'est-ce que c'est dommage d'une série sans fin. Et ça, je pense que ce serait vraiment moins accepté maintenant avec comment marche Internet et tout ça que Deadwood, c'est hallucinant qu'on ait jamais eu de fin à Deadwood alors qu'elle a été promise c'est bizarre que HBO mais en même temps c'est vrai qu'aussi d'un autre côté tu réclames après une fin mais si à un moment ça marche pas ils décident de la déprogrammer si la série est conçue pour encore continuer une ou deux saisons précipiter la fin c'est pas non plus ce qu'il y a d'idéal non mais c'est quand même mieux que mais voilà, mais voilà je citais bon, au début de conversation je parlais de Jérémia la fin elle est ouais mais c'était acceptable. Jerikos, par exemple, ça a été une fin un peu... De merde. Oui. Mais bon, c'était quand même mieux que la fin de la saison 2. Que la fin de la saison 2. Yes. Ah, non, deux saisons. Les deux saisons, oui. La fin de la saison 1. Moi, je me rappelle plus, ça fait des années que j'ai vu, mais... Bah, la fin sur la bataille. Magnifique. Ouais. Et après, ça finit où ils vont au Texas. Spoil. Enfin, c'est Jerikos, c'est la fin. Ah oui, ils vont très très mauvaise. C'est ça, ils vont dans l'avion à la fin, oui, je me rappelle. Très très mauvais. Oui. Mais ça faisait quand même une clôture. Un peu mais on voit qu'ils ont précipité le truc. Quoi. Avec un début très très bon. Tu te dis, voilà, il devait arriver à ça, il devait y avoir plein de. Moi j'ai bien aimé, mais je crois que c'est plus parce que c'est post-apocalyptique et que c'est un genre que j'aime bien. Ah ouais, moi, sinon c'est un peu moyen quand même. Ouais. Mais tu voyais qu'il devait arriver à cette fin-là, mais à cette conclusion-là, mais avec plein d'éléments annexes. Bah ouais, mais bon. Et que, ils ont ça reste quand même plus sympa d'avoir. Ils arrivent là, tu te demandes pourquoi ils atterrissent là et ils sont là, point barre, et ça se termine quoi. C'est quand dommage. Même plus sympa d'avoir une clôture. Je me demande parfois. Parfois, je me demande. L'idéal, c'est comme Fringe, où ils sont annoncés une saison avant. Voilà, c'est votre dernière saison, faites Chose de bon. Ils savent qu'ils vont clôturer dans X épisodes. Ça, c'est bien, oui. C'est toujours le parce mieux. Si on leur dit non, vous ne serez pas renouvelé, vous avez deux épisodes pour terminer. C'est pas facile, il faut avoir écrit déjà. Donc voilà, ça, c'est. Enfin bon, c'est un autre débat. Écoutez, on va. Je regarde. Ouais. On va arrêter ce petit débat ici. De toute façon, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire, hein, que ce soit sur le site ou sur le forum. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne le faites pas. C'est bien, tu voilà. Attires les gens. On dirait moi. Non, n'hésitez pas, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais j'ai toujours raison. Même si, au final, en fait, on n'est pas si contraire que ça. C'est juste que j'essaie d'amener le débat avec le. On a quand même des points, beaucoup de points de convergence plutôt que de divergence. Et deux chemises, deux. Ça nous en fait cinq. Community, c'est une des plus fun des dernières années. Putain, Community, c'est génial. Et donc, mais à part que la reprise m'a un peu déçu au début, j'ai mis le temps à mais ça reste quand même vraiment au-dessus de. Au niveau originalité d'écriture et tout ça. Donc tu vois, c'est une. Ça reste à part, oui. Franchement, c'est. Mais bon, bref, on va donc stopper le débat ici. Donc si vous avez des réactions, n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. Juste pour clôturer, donc, est-ce que Vous deux, est-ce que vous avez, pour selon vous, est-ce qu'il y a eu un âge d'or des séries, est-ce qu'il s'est terminé actuellement, ou est-ce que vous prenez ça plus dans une globalité comme The Stetson et que Chauve? Chauve. Je sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais disons qu'il y a une période un peu plus faste qui. Face au niveau grand public, quoi. Bah, au niveau qualité, on a quand même amélioré au début des années 2000, ça c'est sûr. On est passé à quelque chose d'autre. Et le fait, j'avais lu une interview de je sais plus qui, mais un des producteurs de Game of Thrones, qui disait que ils étaient obligés de faire quelque chose qui est aussi bien qu'un film au niveau visuel. Ouais. Comme je disais, la série a un peu gagné ses galons à cette période-là pour devenir vraiment. Ouais, puis en plus maintenant les acteurs de ciné n'hésitent pas à retourner. Ouais. Avant, c'était un genre qui était complètement décrié. Ouais. Faire de la série, c'était. The Shield, par exemple, a eu Forest Whitaker pendant toute une saison. Glenn c'était Close bon, pendant toute une saison. C'était bon. Mm-hmm. Ça, maintenant, c'est. Dans Homeland, maintenant, j'ai un doute sur qui c'est. Mais c'est aussi une actrice connue. Et je vais retrouver le nom. Claire Danes. Ouais. Mais je crois qu'on est. Roméo et Juliette. Ouais. Mais non, mais c'est quelqu'un de ciné qui revient à une série. Je crois qu'on est d'accord, il n'y a pas vraiment eu ce qu'on appelle un âge d'or. Les séries ont juste rencontré un plus grand public pendant cette période et ça leur a fait gagner un peu des galons qu'elles méritaient pour permettre justement à des plus grands noms, de plus grands acteurs de venir et de plus belles productions d'être réalisées. Et puis quelque chose comme Game of Thrones, ça n'aurait pas pu être réalisé il y a 15 ans. Juste au niveau des effets spéciaux et tout ça, c'était pas possible. Ça aurait été cheap. Maintenant, tu regardes Game of Thrones ou tu regardes un grand film d'action, tu vois pas de différence, c'est aussi bien. Oui, ça a vraiment gagné en noblesse et en prestige. Ou prestige. Bon, ben voilà, on arrive sur la fin de ce débat. Donc, n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. On est à votre écoute. On va se détendre un petit peu. Chauve est fatigué, donc je le remplace en fait. Je crois qu'on est tous exténués. Enfin, peut-être moins toi, mais Chauve et moi, en tout cas. Je suis plus là, moi. Moi, je suis sur les rotules. Mais bon. On va. Si vous n'aviez pas bu toute la soirée. On va donner un dernier coup et puis. il ne boit plus maintenant. Putain de whisky. On va passer au jeu, alors hein, on va se détendre un petit peu et on va s'amuser avec Chauve. Qui nous prépare, un petit jeu, on peut le dire c'est quoi, c'est blind test, question, c'est trial poursuite, Monopoly. Destin. Ouais, vous verrez bien, merde. D'accord, ben la surprise après le jingle. On passe à quoi maintenant ? Je sais pas. Bah, si tu sais. C'est le défi en principe. Nous passons au défi. J'avais lancé un défi à Stetson qui était de lire une série de BD, enfin d'en lire au moins les deux premières. C'est ça que j'avais demandé, je crois. Je sais plus ce que t'as demandé. Une série de BD qui s'intitulait Mardi Gras des Cendres. Donc je laisse la parole à Stetson. Voilà, pour clôturer cette émission beauté. Donc, pour replacer, monsieur Lucas m'avait donné ce défi en mois d'août, ou au mois de juillet, je sais plus, mais en tout cas c'était il y a longtemps. Et donc, moi je me rappelle de les avoir lus dans mon hôtel quand j'étais à la Gamescom. Hein. En tout cas, le premier et le deuxième, et je crois que j'ai fini les autres chez moi. Mais franchement, je m'en rappelle plus trop maintenant. Je me rappelle de ce truc marquant, quoi. Je me rappelle que il meurt pour une connerie, je crois. Il se plante sur un jouet de son fils. C'est ça, une petite voiture. Et puis je me rappelle du début, mais je me rappelle plus trop. La fin, ils meurent tous, il me semble. Bah, étant donné qu'ils sont déjà tous morts. Ouais, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Ils disparaissent tous en voulant retourner sur Terre. Oui, vaguement, oui. Je me rappelle plus de grand chose. Je me rappelle plus du premier tome que du reste. Mm-hmm. Le premier tome, je me rappelle qu'il perd son crâne à un moment. Oui. Bah, la façon dont c'est écrit, les dialogues. Et qu'est-ce qui met dessus à la place? Un truc avec un tourniquet, mais je sais plus. Un moulin à café. Et t'en as, rien ne t'a marqué? Non, c'était sympa, mais. Franchement, ça fait longtemps. Les dialogues. Ouais, non, c'était sympa. C'était bien dessiné. J'aimais bien l'ambiance. Sombre, mais humoristique quand même. Ouais. C'est ce qu'on avait. On avait insisté là-dessus. Ouais. Est-ce que Chauve, tu valides? Bah écoute, je peux comprendre, vu la prescription, ça fait longtemps. En même temps, je lui ai retenu certains détails qui me laissent penser qu'il a effectivement lu. Bah, rien que le moulin à café. Oui, il perd sa tête. Si c'est ça, mais il y a prescription. Oui, donc je valide, tout à fait. Mais c'était sympa. Je vous invite à découvrir cette série. C'était sympa. Mais les BD, c'est pas mon truc principal, donc j'ai un peu. C'est pour ça que je t'avais lancé le défi. Mais je suis pas contre les BD, c'était plus. Bravo, Stetson. Bravo, Stetson. Voilà. J'ai mieux aimé ça. Que son animé. Ouais. Ça, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, ça c'était. Ouais, j'avais quand même été dans le Satoshi Kon, donc si je me souviens bien, c'était pas. Voilà. Bon, ben. Voilà, autour de Stetson. Maintenant, on va repartir dans une routine plus classique, plus normale. Donc, Stetson, à toi de lancer le défi. Un ou deux. Qu'est-ce que je pourrais bien vous faire faire, hein? C'est la grande question. La dernière fois, comme défi, t'avais lancé Deadly Sketch ouais. À moi. À qui avait bien aimé. Hein. Ouais, tout à fait. Qui, au final, qui a regardé presque tout, c'était, je crois. C'était l'un des seuls défis où la personne a vraiment aimé. Accroché, oui, je pense. Ouais. Et en partant, je pense d'un truc que t'aurais jamais regardé par toi. Non, j'étais pas chaud au début, hein, j'étais pas chaud. Et j'ai regardé, je pense, finalement, deux saisons entières et une demi en plus. Ouais, je sais pas. À alors qui que tu je devais regarder deux, trois épisodes. Il est là, Nicky Tambi. Non, mais est-ce que si je vous dis de lire un livre... Oui, tu es presque, recule. Est-ce que vous... Oui, tu es presque, à ta droite. Courage. Oh, vas-y, je ne trouve pas mon livre. Est-ce que si je vous dis de lire un livre, c'est jouable? Oui, ça peut se faire. Bien sûr, ça fait partie du défi. Ben non, mais je pense que vous alliez tous les deux lire, mais... Le livre dont tu as parlé tout à l'heure. Non, ça, je pense que tu le liras dans tous les cas. J'aimerais bien que vous lisiez Hunger Games. Hunger Games. Ouais. Mais qui pas. Vous? Parce que dans le défi, tu me lances une personne. Mais je veux pas le forcer parce qu'il l'a pas. Toi, je sais que je peux te le prêter. Bah, je l'ai, de toute façon. Voilà. C'est pas disponible sur l'App Store ou un truc comme ça. Je l'ai en physique et en. Tu le liras sur ton iPad? Oui, j'ai déjà lu des bouquins. Je l'ai en physique et en virtuel, donc de toute façon, voilà. Donc, je voulais pas forcer quelqu'un parce que c'est pas comme si je vous passais le livre. Moi, je l'ai eu sur Kindle, quoi. Donc, s'il y en a un de vous deux qui préfère le défi, vu qu'on est un peu dans. Un recommencement. Ouais, mais il faut pas. Il faudrait quelqu'un décide parce que là, comme ça, à prochaine fois, cette personne peut lancer mais un défi. Je pensais pas, franchement, toi, c'était plus facile de te le donner du fait que tu l'avais et que t'avais un e-reader, mais c'était prêt à lire sur l'iPad. Pas de soucis, moi. Et ben alors, je le donne à chaque fois. Je trouve que c'est bien fait pour lire. Enfin, l'iPad, c'est pas mal pour lire dessus. Et c'est pas long. Hein. Et si ça te saoule, tu peux arrêter. Ouais, mais j'essayerai. Le film m'intrigue un petit peu. Bon, il y a l'espèce de phénomène de mode autour qui me dérange. Ça va, ça défie assez. Bah, selon ce que j'en pense, facile, quoi. Hunger Games, ça doit être facile à lire. En 6 et 8 heures, quoi. Moi, j'ai lu en anglais en 6 et 8 heures. Ouais. Donc, à mon avis, tu peux lire premier tome. 5, 6, il est disponible qu'en anglais? Moi, je l'ai lu en anglais, mais il est disponible en français. Ça me dérange pas de lire en anglais, mais pour aller plus vite, j'aime autant le lire en français. Tu vois, en français, je l'ai en physique et en virtuel, donc je peux le. Ouais. Te passer à deux formats. Ouais. Ok, défi voilà, relevé pour ça, la prochaine fois. Ah, vendu. Ben, voilà, donc voilà. On arrive. Touche à sa fin. Au terme de ce dernier BG. Difficile terme. Oui, désolé pour le manque de structure et le. Mais la reprise est difficile. Il est tard, on a eu une grosse réunion avant. On a eu, pour certains, en tout cas pour moi, je pense, une journée de travail avant. Enfin, pas mal de choses qui ont fait que fatigue, alcool et beaucoup de boulot aidant. Il y en a un qui ne boit pas aidant. Mais voilà, on est convivant, on est là, il est 4h15 du matin, et on termine en beauté ce BGS. Donc Monsieur Chauve, qui avait pensé être dans son lit à 4h30 pour nos private life, a raté son défi. À part s'il roule vraiment très vite. Parce qu'il y a quand même une heure de route avant d'arriver chez lui. Donc, il est 4h14, ça va être compliqué. Roule vite. Ouais, je vais rouler vite. Bon, on va laisser nos auditeurs ici, alors on va arrêter ce brouhaha. On va essayer donc de reprendre le BGS un peu plus régulièrement. En tout cas, on vous sera au courant pour quelque chose. Mine de rien, on aime bien ce petit BGS. Ouais. C'est sympathique à faire de temps en temps, un petit... N'est-ce pas ? Ne fût-ce qu'une fois par mois. Bon, on vous tiendra au courant pour la suite, et en tout cas, merci d'avance à ceux qui nous écouteront, et... Merde aux autres. Ils écoutent pas, de toute façon. Ah, voilà. Voilà. Et à bientôt pour la suite, alors, et à bientôt sur Bipod pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao, ciao. Bonne soirée. Je suis prêt. Enregistre. Tu fais un clap. Donc je vous dis tout de suite, les deux, ils sont défoncés. Hein. Je suis pas défoncé, je suis juste fatigué. Bon, l'autre, il est défoncé et fatigué. Donc, nous passons donc à la troisième partie de ce 10e numéro du BGS. Le mec bourré, quoi. Et que les années 2000, les séries... Tout ça...